Énergie, bon week-end, c'est Lionel. Énergie Music Awards 2013. Ah, on est à fond aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite avant la cérémonie des Energy Music Awards 2013 ce soir 20h50 sur Energy et TF1. Il y aura évidemment la montée des marches à partir de 19h-19h30. On suivra ça dans le hit des clubs DJ Buzz depuis le tapis rouge, le red carpet comme ils disent les Américains. Bon, et puis là cet après-midi on vous fait vivre les derniers préparatifs du show. Donc dispositif exceptionnel, on est dans le port de Cannes. Si vous voulez nous faire un petit coucou, voir les stars dans le port de Cannes sur le yacht Energy Abyss Yachting. Dispositif exceptionnel aussi parce que Julien est dans les coulisses du Palais des Festivals en train de scruter les répètes, les lives, qui chante quoi, qui fait quoi, qui va faire quoi sur scène. Julien ! Ouais, alors Lionel, je sais que t'es bien sur le Yacht Energy, mais là où je suis, moi aussi, je suis super bien. Je sais qu'il y a beaucoup de monde hein, devant le Yacht Energy, oui. Il y a beaucoup de monde aussi devant les marches du Palais des Festivals. Alors tu sais que pour que les stars rentrent dans le palais, elles sont obligées de passer devant la foule. Alors dès qu'une voiture arrive, les fans mais hurlent. On a déjà vu Birdie et Emmanuel Moore qui ont fait leur répète, tout comme Emily Sunday et la troupe de 1789. Et alors là, je vais faire craquer les filles, parce que les qu'est-ce stars anglaises en ce moment, juste derrière, One Direction. Voilà. En train de répéter, voilà, juste derrière moi, One Direction sur la scène des Energy. Alors attends, on va les répéter, on va les écouter. Écoute. Et la scène, elle est magnifique. One Direction met le feu là, c'est énorme. Voilà, ça se passe comme ça, l'énergie. Oh, c'est incroyable. On est dans les répétitions du groupe One Direction pour le grand show ce soir 20h50 sur Energy et TF1. Julien, tu nous tiens au courant. Il y a beaucoup de messages qui arrivent dans toute la France. Il y a Sébastien qui nous écoute à fond. Il est avec ses potes du collège Carnot à Lille. Vivement la cérémonie ce soir des Energy Music Awards. Salut à toi, Sébastien. Myriam dans le 64. Oui, le Pays Basque nous écoute pour soutenir à fond Jennifer pour l'Energy Music Awards. Elle est trop belle. Je l'adore de trop. Salut, Myriam. Et puis Mathias de Chambéry. Bravo pour l'émission. Ça gère d'avoir les artistes au micro. Vive la section. Ils seront avec nous sur le yacht tout à l'heure. Hein. Section d'assaut. Et puis ils seront ce soir en live aussi pour la cérémonie des Energy Music Awards, tout comme en live ce soir, Mylène Farmer qu'on écoute maintenant sur Energy. Bon après-midi, bon week-end.